Section 39 des Mille et une nuits, tome 3e, 17e partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 17e partie de l'histoire d'Aladin. Ou la lampe merveilleuse. Les 80 esclaves blancs et noirs ne furent pas oubliés. On les fit entrer dans l'intérieur du palais, et quelque temps après, le sultan, qui venait de parler de leur magnificence à la princesse Badrulboudour, commanda qu'on les fît venir devant l'appartement, afin qu'elle les considérât au travers des jalousies, et qu'elle connût que, bien loin d'avoir rien exagéré dans le récit qu'il venait de lui faire, il lui en avait dit beaucoup moins que ce qui en était. La mère d'Aladin, cependant, arriva chez elle avec un air qui marquait par avance la bonne nouvelle qu'elle apportait à son fils. « Mon fils, lui dit-elle, vous avez tout sujet d'être content. Vous êtes arrivé à l'accomplissement de vos souhaits contre mon attente, et vous savez ce que je vous en avais dit. Afin de ne vous pas tenir trop longtemps en suspens, le sultan, avec applaudissement de toute la cour, a déclaré que vous êtes digne de posséder la princesse Badrulboudour. Il vous attend pour vous embrasser et pour conclure votre mariage. C'est à vous de songer aux préparatifs pour cette entrevue, afin qu'elle réponde à la haute opinion qu'il a conçue de votre personne. Mais, après ce que j'ai vu des merveilles que vous savez faire, je suis persuadé que rien n'y manquera. Je ne me dois pas oublier de vous dire encore que le sultan vous attend avec impatience. Ainsi, ne perdez pas de temps à vous rendre auprès de lui. » Aladin, charmé de cette nouvelle et tout plein de l'objet qui l'avait enchanté, dit peu de paroles à sa mère et se retira dans sa chambre. Là, après avoir pris la lampe, qui lui avait été si officieuse jusqu'alors en tous ses besoins et en tout ce qu'il y avait souhaité, il ne l'eut pas plutôt frotté que le génie continua de marquer son obéissance en paraissant d'abord sans se faire attendre. « Génie, lui dit Aladin, je t'ai appelé pour me faire prendre le bain tout à l'heure, et quand je l'aurai pris, je veux que tu me tiennes prête un habillement le plus riche et le plus magnifique que jamais monarque ait porté. » Il eut à peine achevé de parler que le génie, en le rendant invisible comme lui, l'enleva et le transporta dans un bain tout de marbre le plus fin, et de différentes couleurs les plus belles et les plus diversifiées. Sans voir qui le servait, il fut déshabillé dans un salon spacieux et d'une grande propreté. Du salon, on le fit entrer dans le bain, qui était d'une chaleur modérée, et là il fut frotté et lavé avec plusieurs sortes d'eau de senteur. Après l'avoir fait passer par tous les degrés de chaleur, selon les différentes pièces du bain, il en sortit, mais tout autre que quand il y était entré. Son teint se trouva frais, blanc, vermeil, et son corps beaucoup plus léger et plus dispos. Il rentra dans le salon et il ne trouva plus l'habit qu'il y avait laissé. Le génie avait eu soin de mettre en sa place celui qu'il lui avait demandé. Aladin fut surpris en voyant la magnificence de l'habit qu'on lui avait substitué. Il s'habilla avec l'aide du génie, en admirant chaque pièce à mesure qu'il la prenait, tant elles étaient toutes au-delà de ce qu'il avait pu s'imaginer. Quand il eut achevé, le génie le reporta chez lui dans la même chambre où il l'avait pris. Alors il lui demanda s'il avait autre chose à lui commander. « Oui, répondit Aladin, j'attends de toi que tu m'amènes au plus tôt un cheval qui surpasse en beauté et en bonté le cheval le plus estimé que soit dans l'écurie du sultan, dont la housse, la selle, la bride et tout le harnais vaillent plus d'un million. Je demande aussi que tu me fasses venir en même temps 20 esclaves habillés aussi richement et aussi lestement que ceux qui ont apporté le présent, pour marcher à mes côtés et à ma suite en troupe, et 20 autres semblables pour marcher devant moi en deux files. » Fais venir aussi à ma mère 6 femmes esclaves pour la servir, chacune habillée aussi richement au moins que les femmes esclaves de la princesse Badrulboudour, et chargée chacune d'un habit complet, aussi magnifique et aussi pompeux que pour la sultane. J'ai besoin aussi de 10 000 pièces d'or en 10 bourses. Voilà, ajouta-t-il, ce que j'avais à te commander. Va et fais diligence. » Dès qu'Aladin eut achevé de donner ses ordres au génie, le génie disparut. Et bientôt après, il se fit revoir avec le cheval, avec les 40 esclaves, dont 10 portaient chacun une bourse de 1000 pièces d'or, et avec 6 femmes esclaves, chargées sur la tête, chacune d'un habit différent pour la mère d'Aladin, enveloppées dans une toile d'argent, et le génie présenta le tout à Aladin. Des 10 bourses, Aladin n'en prit que 4, qu'il donna à sa mère, en lui disant que c'était pour s'en servir dans ses besoins. Il laissa les 6 autres entre les mains des esclaves qui les portaient, avec ordre de les garder et de les jeter au peuple par poignées, en passant par les rues dans la marche qu'il devait faire pour se rendre au palais du sultan. Il ordonna aussi qu'il marcherait devant lui avec les autres, 3 à droite et 3 à gauche. Il présenta enfin à sa mère les 6 femmes esclaves, en lui disant qu'elles étaient à elle et qu'elles pouvaient s'en servir comme leur maîtresse, et que les habits qu'elles avaient apportés étaient pour son usage. Quand Aladin eut disposé toutes ses affaires, il dit au génie en le congédiant qu'il l'appellerait quand il aurait besoin de son service, et le génie disparut aussitôt. Alors, Aladin ne songeait plus qu'à répondre au plus tôt au désir que le sultan avait témoigné de le voir. Il dépêcha au palais un des 40 esclaves, je ne dirai pas le mieux fait, ils l'étaient tous également, avec ordre de s'adresser au chef des huissiers et de lui demander quand il pourrait avoir l'honneur d'aller se jeter aux pieds du sultan. L'esclave ne fut pas longtemps à s'acquitter de son message. Il apporta pour réponse que le sultan l'attendait avec impatience. Aladin ne différait pas de monter à cheval et de se mettre en marche dans l'ordre que nous avons marqué. Quoique jamais il n'eût monté à cheval, il y parut néanmoins pour la première fois avec tant de bonne grâce que le cavalier le plus expérimenté ne l'eût pas pris pour un novice. Les rues par où il passa furent remplies presque en un moment d'une foule innombrable de peuples qui faisaient retentir l'air d'acclamations, de cris d'admiration et de bénédiction, chaque fois particulièrement que les 6 esclaves qui avaient les bourses faisaient voler des poignées de pièces en l'air à droite et à gauche. Ces acclamations néanmoins ne venaient pas de la part de ceux qui se poussaient et qui se baissaient pour ramasser de ces pièces, mais de ceux qui, d'un rang au-dessus du menu peuple, ne pouvaient s'empêcher de donner publiquement à la libéralité d'Aladin les louanges qu'elle méritait. Non seulement ceux qui se souvenaient de l'avoir vu jouer dans les rues, dans un âge déjà avancé, comme un vagabond, ne le reconnaissaient plus, ceux-mêmes qui l'avaient vu il n'y avait pas longtemps avaient peine à le reconnaître, tant il avait les traits changés. Cela venait de ce que la lampe avait cette propriété de procurer par degrés, à ceux qui la possédaient, les perfections convenables à l'état auquel ils parvenaient par le bon usage qu'ils en faisaient. On fit alors beaucoup plus attention à la personne d'Aladin qu'à la pompe qui l'accompagnait, que la plupart avaient déjà remarqué le même jour dans la marche des esclaves qui avaient porté ou accompagné le présent. Le cheval néanmoins fut admiré par les bons connaisseurs, qui surent en distinguer la beauté sans se laisser éblouir ni par la richesse, ni par le brillant des diamants et des autres pierreries dont il était couvert. Comme le bruit s'était répandu que le sultan lui donnait la princesse Badrulboudour en mariage, personne, sans avoir égard à sa naissance, ne porta envie à sa fortune ni à son élévation, tant il en parut digne. Aladin arriva au palais, où tout était disposé pour l'y recevoir. Quand il fut à la seconde porte, il voulut mettre à pied la terre pour se conformer à l'usage observé par le grand vizir, par les généraux d'armée et les gouverneurs du premier rang. Mais le chef des huissiers, qui l'y attendait par ordre du sultan, l'en empêcha et l'accompagna jusque près de la salle du conseil ou de l'audience, où il l'aida à descendre de cheval, quoique Aladin s'y opposa fortement et ne le voulut pas souffrir. Mais il ne fut pas le maître. Cependant, les huissiers faisaient une double haie à l'entrée de la salle. Leur chef mit Aladin à sa droite, et après l'avoir fait passer par le milieu, il le conduisit jusqu'au trône du sultan. Fin de la 17e partie de l'histoire d'Aladin, section 39.